Chapitre 4. Les bons conseils. Parmi les dossiers que les frères de Raymond examinèrent avec M. Brunel, deux plus que tous les autres attirèrent leur attention. Le premier n'était pas très volumineux. Il ne comportait que quelques feuilles de papier. Mais ce qui se trouvait sur ces feuilles comportait aux yeux des fils du banquier Montreuil un intérêt extrême. Il y avait d'abord un billet à ordre de 10 000 francs portant sur un coin ce mot « renouvelé » et une date. Puis une lettre plus récente demandant, quelques jours avant la date portée sur le billet, le renouvellement du second billet de 12 200 francs. À cette lettre, une feuille de copie de lettre gardait la réponse du banquier, se déclarant dans l'impossibilité absolue de pouvoir accepter ce renouvellement. Sur cette copie était inscrit au crayon bleu « payé ». C'était tout. Seulement la date du second billet était proche de la date de l'assassinat du banquier, et le souscripteur du billet à renouveler et le signataire de la demande de renouvellement, c'était le comte Faustin de la Guérinière. Donc, dirent les deux frères, le comte de la Guérinière était bien, comme il se déclara lors de son interrogatoire, en relation d'affaires avec notre malheureux père. « Oui, messieurs, » dit M. Brunel. Sa présence, le jour de l'assassinat, pouvait par conséquent trouver une explication acceptable. « Sa justification, oui, messieurs, mais ce qui s'explique moins, c'est ce que contient cet autre dossier. Le dossier mystérieux dont vous nous avez parlé, le voici, jugez. Voyez si je me suis trompé, si j'ai exagéré en l'appelant mystérieux. » Raoul ouvrit le dossier. Dans une chemise de carton mince, sans indication, retenue par un bracelet de caoutchouc, se trouvaient quelques lettres fanées, jaunies, et de simples fiches du bloc-notes du banquier. Sur ces lettres, il y avait, tracé au crayon bleu, un R qui signifiait « répondu ». Les fiches portaient quelques chiffres et une date. Les chiffres devaient assurément indiquer la somme d'argent envoyée, les dates correspondaient à celles des lettres, et la somme d'argent était celle que l'on demandait dans ces lettres. Or, ces lettres ne portaient aucune signature, aucune indication du lieu d'expédition, aucune adresse. Et l'écriture, d'ailleurs assez vulgaire, commune, dénotait une main de femme. C'était le seul dossier de ce genre, le dossier mystérieux. « Vous vous doutez-vous de ce que cela peut être ?» demandèrent les deux frères au chef de la comptabilité. M. Brunel répondit qu'il l'ignorait totalement, mais à son avis, ce dossier appartenait non à la banque, mais à la vie privée de M. Montreuil. Il ne lui appartenait pas à lui, employé, de chercher à y pénétrer. « Notre père, dit alors Raoul, a peut-être eu, comme tout homme, une faiblesse, et c'est un peu de son passé que détient ce mystérieux dossier. » Passé coûteux, dit alors M. Brunel, car le relevé des notes d'envoi d'argent accuse plus de 200 000 francs. Faut-il chercher à savoir aussi ce que signifie cela? Demanda Raoul à son frère. C'est mon avis. Rien ne doit demeurer dans l'ombre, et une négligence, un oubli, peuvent compromettre l'issue de notre travail de réparation. Tu as raison, mais qui pourra nous dire? Les plus vieux amis de notre père? Maître Grillard et Béjanet, sans doute. Voudront-ils parler 7 fois plus que pour le document qui causa la mort de notre père et dont nous n'avons pas encore pu percer le mystère douloureux? À ce moment, le garçon annonça à Maître Grillard. On le fit entrer aussitôt. Maître Grillard, huissier, après avoir serré les mains des deux frères et du chef de la comptabilité, prit un siège et dit immédiatement « Je sais, mes chers amis, pourquoi vous me faites venir? M. Brunel m'a mis au courant de vos intentions, de vos projets. Bien, nous comptons sur vous pour nous seconder dans notre tâche pénible, mais indispensable. » L'huissier leva les bras au ciel. « Mais ce que vous faites là, mes enfants, c'est de la folie pure. Comment cela vous trouvez? Je dis qu'avant d'entreprendre pareille besogne, aussi difficile qu'inutile, vous auriez dû demander avis, conseil, à ceux qui, ayant plus d'expérience de la vie et des affaires que vous, pouvaient vous guider. Vous deviez d'abord consulter les plus vieux amis de votre père, Maître Béjanet et moi. Pourquoi? Parce que nous vous aurions certainement détourné de ce dessein illogique. Nous avons, mon frère et moi, pris conseil de notre conscience. Vous êtes jeunes, mes enfants, votre sang est bouillant, votre imagination féconde, et votre cœur trop généreux s'illusionne. Vous vous lancez à la poursuite de chimères, mais à la conquête de l'honneur. Pardon, pardon, n'employons pas de grands mots. Nous sommes ici dans un cabinet de financiers. Nous allons discuter chiffres. Et dans les affaires, il faut parler simplement, ne pas se laisser éblouir par les belles phrases, comme les alouettes par un miroir qui tourne. Les affaires sont les affaires, le tout est de les réussir. Par les moyens honnêtes, soit. L'honnêteté en affaires est ce qui ne peut tomber sous le coup de la loi. Vous êtes honnête tant que vos spéculations, quelles qu'elles soient, ne vous occasionnent pas de condamnation. Prenez cela pour principe. C'est la vérité, c'est le seul moyen d'agir avec profit. Raoul arrêta l'huissier d'un geste. Nous avons lu la Gazette des tribunaux. Vous avez lu ? S'écria Maître Grillard. Nous connaissons tous les procès que notre père eut à soutenir, depuis le procès que lui intenta le malheureux monsieur Ménardier. L'huissier s'écria. Il les a tous gagnés, oui. Alors vous n'avez pas à y revenir, vous, ses fils. Au contraire. Nous, les fils, nous devons faire œuvre de justice et réparer le tort que la loi, habilement tournée, a permis de faire. Vous vous croyez plus fort que les juges. Les juges ont un code, dont le texte est formel. Ils ont prononcé selon ce code, sur les pièces qu'on leur a soumises. Ils ne pouvaient juger autrement. Mais les considérants donnant gain de cause à notre père sont plus déshonorants qu'une condamnation. Qu'est-ce que vous chantez là? Notre père était habile, merveilleusement fort, impitoyablement armé, ses victimes... Ses clients, interrompit Maître Grillard. Non, ses victimes devaient passer par ses exigences. Il savait s'arranger pour tout en les égorgeant le faire selon la loi qui pourrait juger son acte plus tard. Mais c'est comme cela qu'on doit faire. Tel n'est pas notre sentiment. Parce que vous ne connaissez pas la vie. Nous nous flattons de ne pas la comprendre de cette façon. Il nous coûte assez de constater que notre père, qui à vos yeux est un homme habile et très fort, est en vérité un usurier. De nouveau, Maître Grillard sursauta. Usurier, usurier, votre père, usurier. Notre père a prêté de l'argent à de tels taux, à de telles conditions, que ce trafic dépassait l'usure et devenait véritablement du vol. Permettez, il faut s'entendre. Laissez-moi vous expliquer. Parlez. Votre père prêtait, ou plutôt vendait de l'argent, car le prêt n'est qu'une vente d'argent. Il avait le droit de le vendre comme il l'entendait. Ses clients n'avaient qu'à ne pas accepter. Là n'est pas la question. Au contraire, tout est là. On venait chez lui demander. Il donnait, mais il eût été fou de donner pour rien. Il y a des limites. Pas en matière d'argent. Il y a un taux légal fixé par la loi. C'est une injustice, une anomalie, un vice dans notre code, qui est d'ailleurs tout à refondre. Et l'huissier s'échauffant continua. Comment ? On ne fixe pas de taux ? Pas de tarif pour les quelconques marchandises et seulement pour l'argent, qui est une marchandise comme une autre. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous allez chez un bijoutier, vous achetez un collier de perles, il vous le fait 30 000 francs, vous le payez sans rien dire. C'est le prix fait, accepté. Ce collier de 30 000 francs, 10 minutes après, vous voulez le vendre, on vous dit qu'il vaut juste 10 000. Donc le bijoutier vous a volé 20 000 francs. C'est du bon commerce. Accepté, déclaré, loyal, honnête. Maintenant, vous voulez 10 000 francs en argent. Vous allez chez le marchand d'argent qui, pour vous les donner, vous prend un intérêt, un escompte, et si vous le voulez encore, une commission. Mais tout cela ne se montra jamais à 20 000 francs d'écart comme pour le collier. Or, de plus, si les perles ont une valeur fictive qui varie et disparaît même, l'argent a sa valeur propre, qui ne cessera jamais. Alors pourquoi parler usure, déshonneur? Cette opération en banque, quand on ne la blâme pas ailleurs, et où elle est 100 fois plus scandaleuse. Raoul dit alors. Maître Grillard, nous vous remercions de vouloir nous démontrer que notre père agit correctement. Absolument, il a fait des affaires très bonnes, très belles, et personne ne peut trouver à y redire. Nous vous remercions, mais nous vous avons prié de venir nous trouver, non pas pour nous faire revenir sur notre décision, mais pour faciliter la tâche de réparation que nous poursuivrons, malgré tout, jusqu'au bout. Alors, sans permettre à l'huissier de plaider encore la défense du banquier Montreuil, Raoul lui demanda « Pouvez-vous nous dire si vous connaissez, dans les relations de notre père, la personne de qui émanent ces lettres et à qui notre père répondait par ses envois d'argent ?» Maître Grillard jeta les yeux sur les documents que lui désignait Raoul, puis il les feuilleta, en lut quelques-uns. Il se fit un moment de silence. Pendant que l'huissier tenait la tête penchée et parcourait le dossier mystérieux, les deux frères échangèrent un coup d'œil rapide. Ils venaient d'avoir la même pensée. Maître Grillard savait, mais il ne dirait rien. Les deux frères ne se trompaient pas. Maître Grillard releva la tête. Il avait pris le temps de se remettre de la surprise que lui causait la vue de ces documents et de trouver la réponse qu'il devrait faire au fils de son ami. « Pouh ! » fit-il. « Moi, à votre place, je n'attacherai aucune importance à ce dossier. Tranquillement, je le mettrai au feu. Vous feriez cela ?»« Sans le moindre scrupule. Tous ces papiers ne signifient rien. Cependant, pour que notre père les ait depuis si longtemps gardés. Voulez-vous que je vous dise mon opinion à ce sujet ? Nous vous en prions. Eh bien, ce sont des lettres de quémandeurs, des lettres de tapeurs, de gens qui abusaient de la bonté de votre père. Montreuil était, on finira par lui rendre justice, extrêmement généreux. Il donnait beaucoup, facilement, tout le temps, à toutes sortes de gens. Notre père faisait du bien autour de lui, nous le savons. Mais sa complaisance, si grande qu'elle était, n'allait pas jusqu'à donner ainsi sur une simple démarche, par 10, par 30 et même par 50 000 francs, comme il est noté là-dessus. Si c'est un tapeur, comme vous dites, il savait comment taper, et il tapait depuis longtemps, car il y a des lettres portant près de 30 ans de date. Peut-être s'agit-il d'une œuvre de bienfaisance. N'allez pas plus loin, c'est une écriture de femme. Raison de plus, vous ne voulez pas nous dire. Consultez-moi tant que vous voudrez pour les affaires de banque, mais ne me demandez rien sur la vie privée de mon ami Montreuil, je ne sais pas, je ne sais rien. Alors nous vous remercions. » Maître Grillard se leva. « Mes chers amis, croyez-moi, un dernier conseil. Renoncez dès maintenant à vos projets. L'argent gagné est bien gagné. Ce sera le diable pour le rendre, et de la folie de l'essayer seulement. Personne ne vous en saura gré, et vous n'empêcherez pas les gens de clabauder. C'est comme ça dans la vie. Quand ils ont besoin de votre argent, ils sont à genoux devant vous. Quand ils l'ont, ils se moquent de vous, et quand il faut le rendre, ils crient à l'usure. Quand on les force à payer, ils vous traitent de voleur et s'empressent quelque temps après de revenir chez vous. D'ailleurs, en faisant cela, non seulement vous ne réhabilitez pas la mémoire de votre père, qui n'en a pas besoin, mais vous l'accablez, car vous proclamez hautement que vous lui reconnaissez des torts, et si vous espérez réparer, c'est au contraire le déclarer, vous, ses fils, usuriers et voleurs. Quand nous aurons payé, on ne pourra rien dire. Plus qu'avant, au contraire. Qu'importe. Vous ne voulez pas écouter un homme d'âge et prudent, qui a de plus que vous l'expérience de la vie. Soit, je me retire. Quant à moi, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à votre regretté et vénéré père, et rien au monde ne pourra faire sortir de ma caisse un sou de tout cet argent. Il est à moi, bien acquis, bon à garder. Adieu. Les deux frères laissèrent partir l'huissier. Cet homme était digne de seconder le banquier Montreuil dans ses opérations. Restait maître Béjanet, le notaire. Que dirait, que penserait ce second ami de leur père? Parlerait-il comme l'huissier? Raoul et Robert ne le croyaient pas. Ils avaient du notaire une toute autre opinion. Cependant, la première démarche tentée auprès de lui leur avait servi de leçon. Ils se dirent que pour ce nouveau mystère, il ne trouverait pas plus d'éclaircissement chez le notaire que pour le premier document. Ce n'était même pas la peine d'essayer. Et ils résolurent de ne pas questionner maître Béjanet, chez qui d'ailleurs, selon toute vraisemblance, maître Grillard, dès sa sortie de la banque Montreuil, avait dû se rendre pour lui donner communication de cette scène et des dessins des deux frères. Momentanément, ils abandonnèrent ce dossier et se mirent avec M. Brunel à parcourir les autres. Cependant, dans la soirée, ils emportèrent ce dossier dans leur appartement de la rue des Mathurins, voulant le revoir spécialement et l'étudier plus sérieusement.